toi que j'appelle au roi de gloire. T'as toujours tendu ton oreille, ô Seigneur, à un pauvre qui crie à toi. Yeshua, Nazareth, Yeshua, Amashiach, Yeshua, Nazareth, Yeshua, Amashiach, Yeshua, Nazareth, Yeshua, Amashiach, Yeshua, Yeshua, Yeshua, Yeshua, Yeshua, Amashiach, Yeshua, Yeshua, Yeshua, Amashiach, Yeshua, Yeshua, Yeshua, Amashiach. Yeshua, Amashiach, Yeshua, Nazareth, Yeshua, Amashiach, Yeshua, Nazareth. Yeshua, Yeshua, Amashiach, Yeshua, Yeshua, Yeshua, Amashiach. Ressuscité. David, lui qui était, qui est et qui revient. Lui qui était, qui est et qui revient. Il est de haut, il est de haut. Il est Dieu, oh, oh, oh. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Glorifié soit le roi de gloire, lui qui est assis sur le trône de gloire. Oh, resplendis dans ma vie, Jésus. Je veux. Cette terre honore le Fils du Dieu vivant. Jésus, Jésus, Jésus, Jesus. Béni soit le rocher de mon Seigneur, ton nom est tellement doux, il est glorieux, puissant Jésus. Oh yes, esprit comme de l'eau. Ta parole est une lampe. Amen. Jésus, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Car ton nom est comme du miel sur mes. Ton esprit comme de l'eau. Oui, ta parole est une lampe à mes pieds. Jésus, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Ton nom est comme du miel sur mes lèvres. Oh, ton esprit comme de l'eau sur mon âme. Mmh, et ta parole est du lampe avec Jésus, je t'aime. Je t'aime, je t'aime, oui, Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime, Jésus, je t'aime, je t'aime. Viens, oh, viens, oh Dieu de gloire, il est dit que tu règnes, règne. Esprit de Dieu dans ma vie, tu règnes. Règne. Il est dit que tu règnes. Oh, paracle dans ma vie, tu règnes. Règne. Il est dit que tu consoles. Esprit de Dieu dans ma vie, tu règnes. Règne. Il est dit que tu es vivant. Saint-Esprit dans ma vie, tu règnes. Amour, Esprit de Dieu dans ma vie, tu règnes. Oh, oh, oh. Il est dit que tu règnes, règne. Il est dit que tu règnes, règne dans ma vie, tu règneras. Oh, bien-aimé dans ma vie, tu règnes. Esprit de Dieu dans ma vie, tu règnes. Oh, oh, oh, oh. Il est dit que.